Book 2 5 5 5 البلدان واللغات Pays et langue Pays et langue Jean من لندن Jean est de Londres Jean est de Londres. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Londres est situé en Grande-Bretagne. Londres est situé en Grande-Bretagne. هو يتكلم الإنجليزية. Il parle anglais. Il parle anglais. Maria من مدريد. Marie est de Madrid. Marie est de Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid est situé en Espagne. Madrid est situé en Espagne. هي تتكلم الإسبانية. Elle parle espagnol. Elle parle espagnol. Peter et Martha من Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin est situé en Allemagne. Berlin est situé en Allemagne. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Parlez-vous tous les deux allemands? Parlez-vous tous les deux allemands? London عاصمة. Londres est une capitale. Londres est une capitale. Madrid وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. العواصم كبيرة وصاخبة. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. تقع فرنسا في أوروبا. La France est située en Europe. La France est située en Europe. تقع مصر في أفريقيا. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. تقع اليابان في آسيا. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Le Canada est situé en Amérique du Nord. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Panama est situé en Amérique centrale. Panama est situé en Amérique centrale. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية